On vit au Canada dans une société où tout est correct. Toutes les différences sont permises. Tu pars de chez toi, qui est un pays de cul, le Pakistan, l'Iran, place de même, là. Puis tu décides d'immigrer au Canada pour améliorer ton sort économique. Mais dans le fond, ce que tu veux, c'est pas devenir Canadien, c'est installer ton Afghanistan ou ton Pakistan au Canada. C'est ça qu'on leur permet de faire. Contrairement aux Australiens, où on les avertit, regarde, voici comment on vit, si ça vous intéresse pas, venez pas. Ici, les hommes s'embrassent sur la rue des fois. Ici, les femmes peuvent même aller à la plage le torse nu. Si ça vous dérange, venez pas, parce que nous autres, on aime ça. Et t'entends rarement parler en Australie d'accommodement raisonnable puis de problèmes de relations, parce que une fois que les gens ont vu ça, ben des fois ils vont ailleurs ou des fois ils disent bon ben c'est faut que je change, faut que j'évolue. Ici, t'as un Afghan qui arrive avec ses filles et ses deux femmes, puis il s'aperçoit que ses filles deviennent des petites Canadiennes, ça fait qu'il les amène aux chutes Niagara et il les noie. C'est ça, il avait transporté, ça c'est courant en Afghanistan, puis c'est criminel au Canada, mais il est venu au Canada puis il l'a fait, il est en prison. Avec son fils et sa femme. Tu te rappelles de cette affaire-là? Non, oui, tout à fait. C'était dans une, je pense, une écluse ou quelque chose comme ça en Ontario, là. Kingston. C'est une couple de Montréal. C'est ça. Ouais. Il avait fait un voyage à Niagara, puis il en a profité pour noyer ses enfants parce que les petites filles portaient des petites jupes, puis les petites filles étaient à mode, ils avaient des bijoux, puis les petites filles, ils voulaient être des Nord-Américaines au lieu d'être des Afghans. Et, c'est parce que le Canada, ici, a ouvert ses portes à tous ces gens en leur disant vous êtes chez vous, chez nous. Hey, vous êtes chez nous. Vous êtes pas chez vous, vous êtes chez nous. Puis vous êtes les bienvenus. Chez nous, pas chez vous. Alors, pour prouver ce point-là, moi, j'ai trouvé un accommodement raisonnable qu'on devrait instaurer dès demain matin. Tous les gens qui viennent des îles britanniques, tous les gens qui viennent du Japon, à compter de demain matin, on devrait leur permettre pour qu'ils puissent vivre dans leur propre culture et pour qu'ils puissent se sentir chez eux, chez nous, au lieu de se sentir chez nous. Dorénavant, tous les gens qui nous viennent des îles britanniques et du Japon au Canada devraient avoir le droit de conduire à gauche. Les Australiens et la Nouvelle-Zélande aussi. Voilà. Et quand on fera ça, nous autres, on va rester à droite, parce qu'on est chez nous. Eux autres, ils vont rester à gauche, parce qu'ils sont chez eux, ici. Et là, on va se péter la gueule, ça va être drôle. On va dire que l'accident va être amusant. Puis on va se tourner vers les gouvernements idiots, puis les gens de l'immigration, puis on va leur dire, ben oui, mais c'est la même chose que pour les voiles. Les femmes voilées qui viennent ici crachent au visage de ma mère et de ma grand-mère qui se sont battues pour être égales au Canada. Mais non, ils arrivent ici puis ils décident de ne pas tenir compte de toutes les luttes féministes qui ont eu lieu en Amérique depuis 100 ans, y compris le droit de vote. Ma mère s'est battue pour pas être obligée de se mettre un Kleenex sur la tête quand elle est à la messe. Eux autres, ils arrivent de leur pays de cul, parce que c'est tous des pays de cul, et ils décident d'imposer leur valeur de pays de cul à nous autres, parce que ça leur fait plaisir, c'est leur culture, c'est leur religion. Ben nous autres, dorénavant, on devrait étendre ce privilège à tous les citoyens qui nous viennent d'Australie, Nouvelle-Zélande, les îles britanniques et le Japon. Donc, vous pouvez continuer à conduire à gauche, c'est comme chez vous, c'est bien correct. Hey André, c'est pas pour vous relancer, mais vous savez ce qui va arriver avec ça au Québec. Jean-Marie de Coninck va faire une grande réunion, une grande messe, puis on va lui faire des voix réservées. Évidemment. Évidemment. Faut les accommoder. Ben oui. Pensez-y, là. C'est exactement la même chose que les femmes voilées. C'est exactement la même chose que les turbans. C'est une façon d'être ici en faisant semblant d'être encore chez eux. Alors que s'ils viennent chez nous, puis qu'on les accueille, puis c'est le fun, on a besoin d'eux de toute façon, on pourrait peut-être leur demander, ça vous tenterait pas de nous ressembler, vous êtes rendus chez nous? Fait que c'est comme quand tu fais un voyage analysé avec 40 Français et que 42, 43 fois par jour, tu entends « Chez nous en France! » Ouais, c'est tout le temps mieux. Hein? « Chez nous en France, si. Chez nous en France, ça. Chez nous en France, on fait pas ci. Chez nous en France, on fait cela. » Je finis toujours, après une journée ou deux, par leur dire « Coulon, vous remarquez, en vous en venant, vous avez traversé un grand lac. Ça s'appelle l'océan Atlantique. Puis vous êtes chez nous, à cette heure-là. Vous êtes pas chez vous, en France. Puis de toute façon, je suis allé chez vous, en France. C'est pas si chic que ça. Habituellement, t'es rassis un peu. T'as moins de pourboire comme chauffeur. On va dire des affaires de même, là, mais ouais. Font semblant de comprendre. Aujourd'hui, André, je sais pas si vous l'avez vu, là, Bernard Drinville, justement, un peu pour rester dans le sujet, a déposé, en tout cas, les lignes de ce qui devrait être la Charte des valeurs québécoises. C'est sûr que ça va passer à l'Assemblée nationale. Il y a un projet de loi qui va être déposé. Avec toutes sortes de règles qui sont peut-être justifiées. J'ai l'impression qu'ils vont avoir de la misère à appliquer ça à un moment donné. Là. Ils vont avoir des griefs. En fait, le but, c'est pas de les appliquer. Le but, c'est de gagner le prochain référendum. Le but, c'est de dire aux Québécois, vous êtes mesquins, vous êtes intolérants, regardez ce qu'Arthur vient de dire, ça n'a pas de bon sens, là, vous êtes tous de même, vous pensez toutes la même chose, là, pour pas, donc, on va proposer ça, puis étant donné que ça va être dénoncé au Canada anglais, la prochaine campagne du référendum va être faite sur le respect des normes québécoises par les méchants anglais qui, eux, veulent que tout le monde ait le droit de garder sa différence quand ils viennent ici. C'est un sujet sur lequel le Canada anglais et le Canada français sont en total désaccord. Oui. Donc, on va l'exploiter pour le prochain référendum. That's it, that's all. Tout le reste, c'est des gornottes. Ben, tout le reste, c'est des guirlandes. C'est de la décoration politique. La fondamentale démarche du gouvernement de Pauline Marois, c'est de se faire haïr au Canada anglais pour le dire aux Québécois, ils nous haïssent, faut qu'on s'en aille, votez oui. Ah, et ça marche. Ça marche. Ça marche, ce chapitre-là. D'ailleurs, aujourd'hui, un député de Kathleen Wynne, en Ontario, a déposé à Queen's Park, à l'Assemblée législative, une motion pour que l'Ontario ne fasse pas la même chose que le Québec. On puisse pas déposer une charte en Ontario. Que ça fait pas partie des valeurs de l'Ontario. Voilà. Mais le but de Pauline Marois, c'est ça. Puis elle applaudit à ça, là. Parce que c'est ça qu'elle veut. Ben oui. Ce qu'elle veut, là. C'est pas enlever les voiles, enlever ci, enlever ça, là. De toute façon, est-ce qu'on va décapuchonner les religieuses catholiques? Parce que, en tant que femme voilée, là, nos membres de communautés religieuses sont pas pires non plus, là. Exact. Non, le but, c'est pas ça. Ça, c'est juste de la manipulation. Les politiciens sont bien au-delà de ça. Ils nous présentent des goodies pour nous amuser. Comme Ticu la bombe qui nous présente le Colisée pour nous amuser, pour pas qu'on voit les factures qui s'en viennent dans ces autres folies. Puis il sait très bien qu'on n'aura jamais une Nordique. Mais tant qu'il va en parler avec ses complices comme Landry, là, de la Nordique Nation, tant qu'il va continuer à parler de ça, les Québécois vont le réélire, peu importe ce qu'il coûte, peu importe ce qu'il fait, peu importe le fait que de plus en plus de gens pensent qu'il est un voyou. Ça, c'est juste ça. Mais lorsque Pauline Marois nous annonce sa nouvelle charte, ce qu'elle fait, c'est « Je vous présente quelque chose pour qu'on se fasse haïr au Canada anglais, et quand on se fera haïr au Canada anglais, je vais vous le dire, puis là, vous allez voter oui au prochain référendum, puis on va faire l'indépendance. » That's all. C'est juste ça le point. Et c'est la bonne route. Il reste à voir si les prochaines élections vont mettre un stop à tout ça, si les partis d'opposition vont être capables de faire quelque chose. Est-ce que vous avez vu chez François Legault ou le docteur Couillard difficile, avez-vous vu la moindre velléité de dénoncer ça? Non. Parce qu'ils savent que les Québécois sont un peu mesquins, très intolérants, et que par conséquent, ils vont appuyer le PQ. Donc, ils ne prendront pas la chance de perdre des votes en s'opposant trop à ça. Ils vont faire des gna-gna-gna, on devrait changer ci, on devrait changer ça, mais dans la réalité, ils iront pas contre parce que c'est ce que les Québécois veulent. À tort ou à raison. Je pense pas qu'ils ont si tort que ça, mais le but, c'est pas d'enlever les voiles. Le but, c'est de nous faire voter oui au référendum après que deux, trois maudits fous au Manitoba se seront essuyés les pieds sur un drapeau du Québec devant les caméras de Radio-Canada. Ah oui, puis ça va jouer en boucle et en boucle et en boucle, comme ça avait été le cas à la fin des années 80, début 90. Ça pogne tout le temps. On aime ça ressortir ce genre d'image-là. Ça pogne tout le temps. C'est un saut Sainte-Marie. Parce que, comme disait Sir Wilfrid Laurier, les Canadiens français n'ont pas d'opinion. Ils ont des émotions. Exact. Carbure. Carbure aux émotions. L'indignation, c'est ce que tente de toute façon de faire le Parti québécois depuis le début. Au début, ils sont essayés avec le rapatriement de la Constitution. Ça n'a pas marché à leur goût. De dire que c'était écœurant, un juge qui avait parlé au premier ministre. Ça n'a pas fonctionné. Ensuite, mourir dans la dignité. Faut pas se cacher. Mourir dans la dignité, ça vient en contravention, je sais pas si c'est le bon terme, en contradiction avec la Charte canadienne sur certains éléments criminels ou les lois criminelles. Ça vient il y a une certaine contradiction à un moment donné. Le gouvernement du Québec attend juste le moment. Rendez-vous compte que le rêve de Pauline Marois, c'est d'avoir une loi fédérale qui interdit la poutine. Et là, on va le faire, le oui. Oui. Oui, parce que chacun de ces éléments-là, comme mourir dans la dignité, qui vient en contradiction avec un élément de la loi criminelle au Canada, fait qu'à un moment donné, ça va se cogner. Si on va de l'avant avec ce dossier-là, à un moment donné, ça va se cogner. Et là, ça donne l'occasion à Pauline de dire, regardez le fédéral. Puis là, il est en train de faire pareil, comme vous dites, avec la charte. Et à un moment donné, ça va accrocher entre la charte des valeurs québécoises et la charte des libertés au Canada. Puis là, ça va cogner. Si quelqu'un se présente devant un tribunal et fait déclarer illégal en tout ou en partie la charte qu'ils sont en train de présenter, ils vont être heureux comme des cochons dans la merde parce que ça va être la réalisation de leur rêve. Les écœurants qui nous infligent des lois fédérales qui nous empêchent à nous de... Et c'est ça, ça va continuer. Exact. Grâce à Legault et à Couillard, qui sont deux beaux couillons, qui, au lieu de se préoccuper de ce que ça devrait être, se préoccupent du fait qu'ils veulent être élus. Non, exact, mais il y a personne, il n'y a aucun parti qui semble au Québec être en mesure de donner un contrepoids intéressant. Il y a des idées. Adrien Pouliot a des idées avec son parti conservateur, mais va-t-il réussir à aller chercher des gens sérieux pour l'entourer, présenter quelque chose? Tu sais, il y a toujours une différence entre être dans l'action et vouloir y être. Quand elle a été élue, Mme Marois, j'ai dit, elle est majoritaire. Laissez faire les détails. Ouais. T'as rendu compte comme c'est vrai? Ben, tout à fait. Parti d'opposition qui n'est pas vraiment une opposition, François Legault. L'opposition ne fait pas son devoir parce que c'est des couillons, des imbéciles ou des malhonnêtes ou des ingénieurs, ce qui est synonyme. À ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Le gouvernement est majoritaire. Même s'il ne l'est pas, il l'est. Il le devient par la nature des choses. Il a le pouvoir de faire ce qu'il veut. Never you, never again, parce que les autres n'oseront jamais ça. S'objecter parce que le génie du Parti québécois, c'est de faire des affaires, même quand ils n'ont pas de bon sens, que les Québécois veulent. Et ils les font. Puis si quelqu'un s'objecte, si personne s'était objecté à leur affaire, ils seraient d'une tristesse à pleurer, eux autres-là. Là. Et là, ce qu'ils attendent, c'est qu'il y ait des mouvements à l'extérieur du Québec pour dénoncer leur charte. Puis là, ils vont crier « Youpi! » Et ils vont taper sur le clou. Ben oui. Midi 43, merci beaucoup, André. C'est un plaisir, à demain. On va pouvoir se parler demain matin. J'espère que d'ici là, vous aurez de plus en plus l'œil clair encore. Ah, je vois les choses de façon... Mon œil de faucon est revenu. Excellent, André. À demain.